Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Un numéro très spécial ce soir, puisque nous le consacrons à une seule et même œuvre, l'anthologie, la mini-série Small Axe, réalisée par Steve McQueen, un réalisateur sur lequel certains d'entre nous pouvaient avoir certains doutes jusqu'à un numéro fatidique il y a de ça quelques années, où nous avons tous déclaré notre amour à son dernier long métrage qui s'appelait Les Veuves. Je suis bien entendu entouré avec mes amis, Julien Rombeau, bonsoir. Hi mate, hi everyone. Ouh là là, quelle introduction. Lucien Halflands. Alors là, je suis tout chose, parce que déjà, Julien parle anglais, ensuite tu nous as qualifié de tes amis, ce qui est quand même, enfin bon voilà. Mais ouais, salut les gars, content d'être là. Et enfin, Manuela, c'est là. Et oui, et moi aussi, je m'étonne... Que tu dises qu'on ait tous déclaré notre flamme à Widow, parce que je pense qu'il y avait un vilain petit canard lors de cette émission. Donc voilà, c'est un peu une transmission contrition pour Lucien ce soir. Eh bien, en tout cas, nous verrons cela ce soir, puisque nous sommes face à une anthologie qui regroupe peut-être le meilleur et le moins bon du réalisateur-auteur Sir Stephen Rodley, dit Steve McQueen, avec Small Axe, donc une mini-série en 5 épisodes. Imaginé et réalisé par Sir Stephen Rodley, dit Steve McQueen, donc le réalisateur de notamment 12 Years a Slave, le film oscarisé en 2013, ou Widows, je viens d'en parler, en 2018. Il a également réalisé tous les épisodes et co-écrit les épisodes 1, 4 et 5 avec Alastair Siddons et les épisodes 2 et 3 avec Courtia Newland. Alors, Small Axe, ça cause de quoi ? De la fin des années 60 aux années 80, les 5 récits qui composent Small Axe ont en commun de se situer dans la partie significatif de la communauté noire immigrée en Grande-Bretagne, soit ceux qui s'appellent eux-mêmes les West Indians. En français, nous dirions qu'il s'agit d'une immigration noire venant des Antilles et des Caraïbes, notamment de Jamaïque, de Trinidad et Tobago, ou encore de la Grenade. Les 5 épisodes ont aussi presque tous en commun d'aborder de front le racisme systémique dont sont victimes les représentants de cette minorité au sein de la perfide Albion, et notamment le système policier ou encore le système éducatif. Pour faire très rapide, le premier épisode retrace la lutte civile d'un groupe de 9 militants contre les assauts répétés de la police. Le second s'attarde quant à lui sur toute une nuit festive. Le troisième met en scène un policier qui essaye de changer le système de l'intérieur. Le quatrième suit le parcours d'un jeune homme qui se retrouve imbriqué dans les émeutes de Brixton. Et le dernier épisode s'attaque, lui, plus spécifiquement au système éducatif. Steve McQueen, donc le réalisateur, aurait eu cette idée en tête depuis le début des années 2010. Il s'agit d'un projet hautement personnel, puisque lui-même est issu de cette communauté, et il s'inspire de son expérience personnelle pour le cinquième volet, donc Education. Il était en effet un élève dyslexique. Alors, Small Axe a été produit et diffusé par la BBC, Amazon Studio coproduit et Amazon Prime distribue en VOD. Alors, nous avons décidé de parler de cette anthologie en 3 temps. Donc, nous allons d'abord débriefer un petit peu l'ensemble du portrait dressé par Steve McQueen de cette communauté à laquelle il appartient, donc. Et puis ensuite, nous parlerons plus spécifiquement d'un commun accord. Je crois que c'est aussi un consensus à peu près sur l'ensemble de la presse qui a traité de Small Axe, et sur les épisodes 1 et les épisodes 2, sur Mangrove et sur Lover's Rock, donc les épisodes 1 et 2, qui ont reçu le label Cannes 2020, voilà, enfin, pour ce que ça veut dire. Voilà, donc on parle tout de suite de l'ensemble de Small Axe. Allez, check one, two, show someone the ladies worldwide. You're as much to blame, cause I know you feel the same, cause I got no time to play your same. These are new types of human beings. They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are rooted deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have an impossible battle. As a collective, we stand a chance. Et donc, pour ouvrir le débat sur l'ensemble de l'anthologie de Steve McQueen, je cède la parole à Monsieur Manuel Haas. Donc Manu, qu'as-tu pensé de l'ensemble de cette mini-série ? Ben, je ne serais pas aussi catégorique que toi en disant qu'on a à la fois le meilleur de Steve McQueen et le moins bon, parce que je pense que le moins bon est une partie très congrue de ces cinq films. À mon sens, je la limiterais seulement à l'épisode 4, qui est un épisode un peu plus en deçà de la qualité des cinq autres. Peut-être des même autres. Pas dans son entièreté. En tout cas, ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on avait déjà noté à propos des veuves, c'est à mon sens une certaine mute du cinéma de Steve McQueen, qui se débarrasse de certains oripeaux, d'un certain cinéma d'auteur qui pouvait y avoir dans certains de ses films, qui quelquefois n'évacuait pas une certaine pose arty, quelque chose d'un peu confortable intellectuellement, par moment, pas sur l'entièreté de ces films-là, mais où à mon sens, dans Widow, il embrassait pleinement un cinéma, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus impur, mais avec une plus grande place délivrée à l'émotion, avec beaucoup moins de mise à distance, à mon avis, vis-à-vis de son sujet. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pleinement, notamment, je pense, dans les deux premiers épisodes, et qui sont, à mon avis, les plus brillants de l'anthologie, on y reviendra dessus, ceux qui ont reçu le label virtuel Cannes 2020, à la fois Mangrove et Lover Rock, qui sont deux propositions de cinéma totalement dissemblables et pourtant absolument passionnantes. Donc je suis d'accord avec toi, Manu, sur le fait que les deux premiers épisodes sont en effet des propositions fascinantes et qu'on voit la mue d'un cinéma d'auteur venant, on le sait, du monde de l'art contemporain, qui était quand même empreint d'un certain nombre de tics. On pense notamment à Anger, à Shame, particulièrement Shame, je pense. Surtout Shame, ouais. Mais je trouve qu'on retrouve le meilleur de Steve McQueen dans son anthologie ici, notamment, enfin, pour certaines choses très particulières, notamment tout ce qui est l'utilisation des gros plans, sa très forte capacité à tout de suite recréer une ambiance, à s'attarder sur des détails, des matières, des textures, des choses qui font que tout de suite on est plongé dans le truc. Et en même temps, je retrouve parfois certaines lourdeurs, notamment le fait, il y avait cette chanson dans Shame qui était New York, New York, que chantait a cappella intégralement par Carey Mulligan, qui était aussi une espèce de passage en force un peu démonstratif. Il y a plusieurs chansons dans Small Axe qui sont totalement reprises. Je trouve que là, l'ancien Steve McQueen, faire certains tics reviennent pour moi. Et surtout, là où pour moi ça me gêne, c'est qu'en effet, je trouve que parfois il est assez... justement, didactique, un peu lourd, un peu démonstratif. Excuse-moi, je prends la parole, mais justement sur cet aspect didactique qu'il peut y avoir par moment, notamment dans les dialogues de la série. On va prendre par exemple l'exemple tout simplement de Mangrove. Lors du procès, il y a une confrontation entre une des figures féminines du mouvement et le restaurateur qui se retrouve confronté à la police. Et vraiment, ce qui est le climax de quasiment de l'épisode, c'est un échange qu'ils ont entre deux quand, à ce moment-là, le restaurateur est tenté de renoncer d'une certaine manière à lutter. Et cette scène-là est... Alors déjà, il y a le dispositif tout simple, c'est la manière dont Steve McQueen travaille le plan séquence. Cette séquence-là est tournée entièrement en plan séquence et elle fonctionne, avant de fonctionner de manière didactique sur les enjeux de cette transmission, sur les enjeux de lutter aujourd'hui pour construire le futur de demain de leurs enfants, au-delà de tout l'aspect qui pourrait être très didactique si on ne s'en tient qu'au texte, il passe par l'émotion. Il passe par ce qui se joue entre ces personnages-là, et c'est assez intéressant quand tu détricotes un petit peu et que tu fais quelques recherches sur la manière dont il a construit le film. Ben cette scène-là, notamment, il l'a répété avec ses acteurs, il a interdit au chef-op d'être présent au moment des répétitions pour vraiment capter cette énergie de cette scène-là. Et je trouve que justement, la grande force de son cinéma, c'est effectivement des fois d'être didactique, mais toujours dépassé, et en tout cas peut-être très souvent dépassé par l'émotion qu'il véhicule. Et justement, qui vient notamment par ce sens du détail, parce que notamment cette scène-là, ce qui est très forte, elle fonctionne par l'énergie qui est délivrée par les acteurs, mais c'est un thème qui, par petites touches, tout au long du film, il a travaillé. c'est les petits regards que jette cette jeune femme en attendant une réunion politique à des enfants qui sont en train de jouer sous la pluie dans la rue. C'est une discussion dans un couloir entre une mère et une future mère sur leur avenir. C'est par petites touches, en fait, il t'amène à ce qui va être délivré dans cette scène-là de fin. Et c'est là où, en fait, il se fait plus subtil que ne pourrait l'apparaître le discours, parce que ce discours, en fait, il est au final presque périphérique par rapport à l'émotion qu'il le porte. Mais c'est exactement ce que tu dis, est super intéressant. Ce que vous avez tous dit est super intéressant. Mais ce que tu viens de dire là particulièrement me semble aussi intéressant au niveau de l'entièreté de l'anthologie, c'est-à-dire que ce principe de ritournelle, en fait, de choses qui reviennent et qui rappellent ce qu'on a vu précédemment, fonctionne même sur des épisodes séparés. Mais avant de rentrer là-dedans, je pense qu'il est peut-être intéressant de brosser le portrait d'ensemble, et c'est vrai, par rapport à ce que tu viens de dire, Manu, et ce que vous avez tous dit, en fait, que... on retrouve ici quelque chose de plus simple. En fait, déjà, McQueen, pour moi, le prouve de plus en plus, est un super directeur d'acteurs. Je trouve qu'il a une vraie idée qui est brillante, qui est de rester dans cette simplicité qu'on n'a pas toujours connue chez lui, et de faire un projet, on va dire, engagé, politique, ou comme on veut, mais à travers de simples histoires à hauteur d'hommes, et qui vont contre toute logique je vais utiliser un grand mot, mais de représentativité que l'on voit partout et souvent à tort et à travers, autant qu'à tort et à raison dans le cinéma anglophone récent. Et déjà ça, moi, je trouve que c'est une proposition qui est super intéressante. Et puis la simple idée de cette incursion de réalisme social à certains moments, parfois non, mais qu'on pourrait sentir venir d'un certain cinéma anglais dans cette communauté, cette cause-là, bah, je la trouve étonnante et assez bouleversante. À la limite, dans le cinéma anglais, on connaissait peut-être mieux le versant, je vais dire, indien de l'immigration anglaise, mais ce versant-ci, celui des travailleurs immigrés caribéens et surtout de leurs enfants, dont les Royaumes-Unis ne savent vraiment que faire, et n'ont même pas vraiment envie de s'embarrasser, bah, ça me semble assez inédit et hyper intéressant, en tout cas pour moi, petit spectateur belge. Julien, vous voulez enchaîner ? Oui, c'est par rapport au revenu au général et à ce qui a été dit, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on est devant quelque chose qui se tient énormément, avec un vrai point de vue, et effectivement une direction d'acteur au cordeau, toujours très bonne. Et je trouve que ce qui fonctionne, c'est ce que Lucien disait, je crois, avec d'autres mots, c'est que effectivement c'est comme une variation d'un même thème, et comme si ils sont reliés par un thème, ces épisodes, et ils sont un peu des vases communicants qui creusent un sillon à force de d'épisode en épisode. Mais pour la direction d'acteur, justement, je trouve que c'est vrai, elle est très bonne à quelques exceptions près, ou à quelques détails près. C'est-à-dire qu'une fois que l'écriture se fait plus didactique, moins précise, moins profonde, alors là, je trouve que souvent, c'est là que le jeu devient moins bon. Je pense à l'épisode 4, notamment toutes les scènes qui concernent la prison, la cellule, que je trouve assez lourde. Et je trouve que la force de la série, qui est en fait d'avoir cette cohérence entre tous ces épisodes, peut aussi se révéler être une de ses faiblesses, parce que on est plus vraiment surpris au fur et à mesure des épisodes. Et je trouve qu'il manque de finesse d'écriture surtout sur les deux derniers, qui finissent par le perdre. Après, pardon, je cède la parole à Manu. Après, il y a une tenue, c'est du cinéma constant, et il y a une forme visuelle, une ambition visuelle et formelle très bonne, très forte. Justement, tu évoquais le mot de série quand on parle de cette anthologie. Je pense que c'est justement une chose intéressante à questionner. C'est qu'à mon sens, c'est vrai, c'est bien plus une anthologie qu'une série. Parce que pour le coup, même si effectivement, par moment, ce langage très didactique pourrait s'apparenter, entre guillemets, à de la série, c'est-à-dire tu pourrais écouter un petit peu les dialogues sans forcément regarder l'écran, et tu suivrais le cours du récit, ce qui, à mon sens, souvent distingue quand même la série télé en général, avec de grandes exceptions, hein. Mais en général, par rapport au cinéma, là, il y a une vraie proposition de narration cinématographique. Il y a vraiment des choses qui sont pleinement transmises par la caméra de Steve McQueen, et pas autrement que par sa caméra. Je pense notamment, et quand on parlait justement du sens du détail, moi, je trouve très intéressant, c'est de la manière au-delà même de la reconstitution de cette époque-là qui est assez bluffante, je trouve c'est le sens du détail en fait qu'il a. Il y a la manière dont il assoit de manière presque souterraine tout le parcours de ses personnages, comment il les ancre dans un lieu, dans un milieu. Je pense notamment, j'en reviens à ce restaurateur dans le premier épisode de Mangrove, il y a deux séquences qui tournent autour de, entre guillemets, sa vie sentimentale, mais une vie sentimentale qui n'a pas sa place dans l'histoire et qui est littéralement reléguée à l'arrière-plan. La femme qu'il fréquente est reléguée dans un arrière-plan en flou et je trouve ça hyper beau dans la manière... Dans un miroir, mais aussi ces deux séquences, il la croise au restaurant. Il y a un échange de regards très bref. Elle intervient juste un tout petit peu avant dans cette séquence-là où elle se retourne dans l'arrière-plan derrière lui, mais elle reste floue. Et elle va rester floue tout du long, mais elle participe de cet ancrage du personnage au-delà de l'affaire en elle-même, puisqu'il s'agit pour le coup d'une relation mixte à l'époque. Tout à fait. Ben oui, moi je pense qu'on l'a déjà évoqué et que on est tous assez d'accord là-dessus pour dire que le deuxième épisode est probablement le plus intéressant pour bien des raisons, mais entre autres parce qu'il évite peut-être ce manichéisme et ce didactisme l'autre chien qu'on a peut-être évoqué, qui peut parfois un peu lourder, à minima en tout cas chez Lodge depuis quelques années, et permet aux propos de s'approfondir un petit peu en montrant aussi des conflits internes et surtout à travers une forme particulièrement réjouissante qui rappelle pas mal son travail de plasticien. Et c'est là-dessus que je me mettrai peut-être un peu en défaut de ce que vous avez dit plus tôt. Parce que quand on est un peu connaisseur de son travail avant son travail de cinéaste, donc son travail de vidéaste, c'est quelqu'un qui utilisait très fort, qui avait une forte utilisation de la boucle et d'une sensation assez envoûtante de cycle et qui jouait fort de ça. Et mais puis, t'en as parlé, Lucien, mais excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que t'as évoqué ça deux fois. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant justement sur le fait qu'ils viennent de l'art contemporain, mais que cette mini-série, même si, enfin, ou anthologie, voilà, peu importe, on ne va pas pinailler, mais défend une communauté qu'on a très peu vue au cinéma et s'ancre quand même très très fort dans une tradition, je trouve, du cinéma anglais, que ce soit un cinéma social, donc t'as évoqué Ken Loach, mais moi je le rapprocherais beaucoup plus du cinéma d'Alan Clarke par exemple. Je ne sais pas si vous avez aussi vu les films d'Alan Clarke, Made in Brighton par exemple, qui était un cinéma dans un contexte social extrêmement ancré, mais qui proposait des vraies immersions parce qu'il avait une logique de plan-séquence aussi, et qui collait extrêmement fort au récit de ses personnages, même au détriment d'une intrigue générale, qui était beaucoup plus ce qu'on appelle des récits tranches de vie, quoi. Et moi, j'ai l'impression que Steve McQueen, malgré son passif de plasticien, s'inscrit d'une certaine manière justement dans une tradition du cinéma anglais, en tout cas quand il fait cette mini-série. Et ce que je trouve passionnant dans la construction des cinq épisodes, c'est que, en effet, vous l'avez dit, ils sont extrêmement différents, même au niveau du format entre le premier et les quatre autres. Mais il y a des espèces de jeux comme ça, des choses qui se répondent. Il y a un livre qui est lu dans l'épisode 1 qui va changer la vie du personnage dans l'épisode 4. Il y a des choses qui reviennent tout le temps, c'est-à-dire que le rapport à la nourriture, le rapport en fait à ce qui fait une communauté, le rapport à la musique populaire est extrêmement fort dans l'ensemble de la série. Tous les personnages ont un rapport à la musique populaire, peut-être à l'exception du cinquième épisode, mais bon, soit. Le rapport à la nourriture, le rapport au style vestimentaire, ouais. Tout ça, et tout ce qui va construire une communauté, ça c'est un truc que tu vas retrouver dans les cinq épisodes, aussi différents soient-ils. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est pour ça que j'ai reparlé peut-être deux fois de la même chose, mais c'est parce que je dissocie les deux, ce qu'il ne faut jamais faire. Je dissocie, je vais dire, la ritournelle formelle et la ritournelle narrative. C'est-à-dire que on va peut-être en parler un peu plus quand on se plongera dans l'épisode 2, mais je pense que dans l'épisode 2, comme dans l'ensemble de la série, de toute manière, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même un tout qui se forme, hein, au final. Il y a des gestes, il y a des détails qui reviennent comme des ritournelles, ouais, comme tu viens de le dire, Oli, et qui mettent le spectateur régulièrement en alerte, ce qui est, en effet, j'ouvre la brèche, mais L'exemple le plus parlant venant certainement pour moi du deuxième épisode, et là je parle d'un point de vue purement formel qui vient donc après après le premier, durant lequel il est question de police abusive. Et dans le deuxième, on a un retentissement de sirène qui vient chercher personnellement, je trouve, le spectateur très régulièrement dans l'épisode. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Maintenant, je veux juste faire un petit détour pour rebondir sur ce que disait Oli juste avant. Tu parlais d'Alan Clark, je parlais de Loach, peut-être pour le pire, qui n'est pas si pire, entendons-nous. Mais à certains moments, on peut même penser, moi le troisième épisode m'a fait penser même à Eastwood dans sa manière de plonger un personnage en immersion dans une institution, et par là même de poser un regard et un propos sur cette même institution. Moi, j'ai pensé beaucoup plus à Lumette qu'à Eastwood. Hein, bah ouais, bah, enfin, épisode. On pourrait, en effet, mais oui, j'aurais pu parler de Lumette, mais c'est parce qu'ils ont un rapport qui peut être vaguement commun à ce niveau-là. Et d'une manière plus générale dans la série, les films ont l'intelligence, je trouve, de travailler la plongée dans cette communauté de façon tout à fait totale et jusqu'au butiste, d'un point de vue social, politique, mais comme vient de le dire Oli, autant de manière culinaire, vestimentaire et musicale, jusque en effet dans son titre qui fait référence à une chanson de Bob Marley, qui fait elle-même référence à un proverbe africain qui raconte comment chaque petit coup de hache peut faire tomber un arbre immense. Donc il y a vraiment quelque chose qui se tient très fort dans cette série. D'où l'idée du collectif au-delà de l'individu, quoi. Oui, ça aussi c'est clairement une idée qui parcourt l'ensemble de la série, c'est cette force du collectif. Oui. Et Dieu sait que c'est important de le rappeler aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien, merci messieurs. Je vous propose que nous rentrions maintenant plus spécifiquement sur l'épisode Mangrove. There may be some who believe that they have been the victim of injustice at the hands of the police. Others who, like parasites, feed on these beliefs and seek to turn them to their own advantage, deliberately creating hate and violence. These defendants are all guilty of the serious criminal offense. This attack on a black establishment is not an isolated event, but a sustained campaign against black people. And today we are saying enough is enough. Après donc cette première partie qui était consacrée à l'ensemble de l'anthologie Small Axe, même si notamment Manuela a amplement débordé sur Mangrove, nous allons parler plus spécifiquement maintenant de ce premier épisode, Mangrove, donc, qui retrace le parcours et le combat des Mangrove Nine, qui se sont hissés face à la police autour d'un restaurant qui s'appelait le Mangrove et qui était tenu par un monsieur qui s'appelait Frank Critchlow. Je cite juste en introduction les acteurs, puisque je les ai notés juste avant cette émission. Donc c'est Sean Parks qui joue Frank Critchlow. Il y a Laetitia Wright qui joue Alcia Jones, il y a Malachi Kirby qui joue Darkus Howe, qui est un leader politique, et Rashenda Sendal qui joue Barbara Bees. Voilà, donc c'est juste pour les citer, puisque en effet, nous l'avons souligné dans la première partie, le casting est très intéressant, mais peut-être que Julien va m'approuver. Tout à fait, et bon, certaines choses ont été dites déjà effectivement en intro, et c'est vrai que moi j'ai un peu insisté sur le négatif, parce que il y a des choses à en dire, je crois, mais je pourrais recommencer par du positif en disant que ce premier épisode, il nous cueille complètement, et qu'après 20 minutes, ça pue le cinéma à plein tube, notamment avec ces scènes d'action, de violence, de racisme exacerbé, de violence policière et de bagarres qui réussissent à saisir le spectateur par le col, pour le plonger dans la fiction, et redire aussi qu'effectivement, je trouve que McQueen est ici beaucoup plus libre, je le sens moins enfermé et moins pesant que dans 12 Years a Slave ou dans Shame, qu'on a déjà cité. Après, je reviens sur ma réticence, je trouve que c'est effectivement dans l'écriture de ces personnages qu'il est moins subtil. On a toujours des méchants très méchants, ici le policier poli, on a toujours des gentils très gentils. Ça revient aussi dans l'épisode 3 avec là aussi toujours les antagonistes racistes et provocants. On va toujours avoir les amis bienveillants, etc. Donc je trouve qu'il est jamais très fin ou pas assez dans l'écriture de ces personnages. Ceci dit, puisque tu parlais du casting, dire qu'il y a un engagement... À la fois, il faut quand même bien rappeler que dans le cadre de ces épisodes, à part peut-être l'épisode 2, qui est peut-être, on va dire, peut-être le plus libre, qui est plus dans un autre registre, on est dans de l'histoire récente et avec des faits qu'on ne peut pas démonter, quoi, en fait. Oui, oui, mais après, ma remarque, elle parle aussi des personnages qui ne sont pas blancs et racistes, tu vois. Dans l'épisode 2, on a, puisqu'on va déjà dessus, ce personnage très mal intentionné, qui essaie de violer une femme à l'arrière du jardin. Il est ultra, lui aussi ultra écrit caricaturalement et assez méchant, enfin, je veux dire... Il n'y a pas beaucoup de choses qui plaident en sa faveur. Pourtant, il n'est ni blanc ni raciste, par exemple. Bon, restons sur Mangrove, s'il vous plaît. Ben, sur Mangrove, comme tu parlais du casting, effectivement, je trouve que c'est assez remarquable l'engagement total de la part de tous les acteurs, actrices dans ce film et qu'on les sent effectivement tous investis et nourris par la même vision que Steve McQueen arrive à leur donner et qu'il y a cette cohérence qui est assez remarquable et qui donne du coup, effectivement, la charge émotionnelle dont parlait Manu. On les sent tous ensemble raconter cette histoire et raconter ces épisodes, et particulièrement dans le premier. Et je parlais du début qui nous immerge complètement. C'est vrai tout du long du film. Le procès est aussi remarquable dans sa construction, dans son découpage. Je trouve que d'un bout à l'autre, cet épisode est réussi, pour dire les points positifs. Bah, parmi tout ce que vient de dire Julien, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. On vous laissera aller shipper ce qui vous intéresse. Mais blague à part, Julien a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il a parlé de cinéma. Et il est vrai qu'on peut parler de cinéma ici. On sait qu'ici, dans Transmission, on a plutôt tendance à être assez sévère avec la série télé qui nous attire, en tout cas jusqu'à présent dans l'ensemble, toujours moins que le cinéma en tant que tel. Mais ce genre d'exemple, comme cette anthologie, comme le disait si bien Manu, tant à le prouver qu'on peut voir du cinéma dans la télé. Je parle pas ici évidemment d'objets, mais un autre truc qui m'a frappé dans ce que tu viens de dire, Julien, et c'est assez marrant parce que j'y ai pensé aussi parce que les films sont assez discursifs et je peux pas m'empêcher sans vouloir relancer un débat de l'opposer d'abord à The Wire, dans sa volonté de couvrir un large spectre des institutions, que ce soit la justice, la police, l'éducation, etc., à travers une problématique, ici spécifiquement la communauté noire, mais dans The Wire prend plus son temps et par là même va pouvoir vraiment aller dans la profondeur des choses. Ce que ne peut pas se permettre systématiquement cette anthologie ici avec certains épisodes qui font à peine plus d'une heure, mais aussi, et ça c'est pas pour relancer le débat, c'est vraiment juste parce que j'avais soulevé la question dans notre dernier épisode à propos duquel je me posais la question qui est éminemment philosophique de la finesse, je vais dire, et la clarté d'un propos engagé. Et en ce sens, je pense que Small Axe The Nightingale, pour ne pas le citer dans le précédent épisode, sont vraiment totalement opposés, et je dois avouer, sans pour autant avoir de réponse claire et précise à la question que je soulève, me sentir bien plus proche d'une démarche comme celle de McQueen que celle de Jennifer Kent par rapport à l'engagement d'un propos, je veux dire. Ben, là, je ne te suis pas trop, Lucien, on va pas recommencer le débat, mais je trouve justement que dans le cas de Small Axe peut-être moins dans le cas de Mangrove, mais bon, on parle de Mangrove, ben je trouve que il sacrifie justement la subtilité à la clarté et de son discours. Donc la subtilité, oui, mais pas la clarté. C'est-à-dire qu'il essaie d'être bien clair, justement. Bien clair, quoi. Ouais, voilà, ça c'est clair. Quitte à manquer de subtilité. Quitte à manquer de subtilité. Donc, tant que j'ai la parole, j'insiste sur un point. C'est du cinéma, ok, aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie mise en scène et il y a des vrais partis pris de mise en scène. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, Mangrove, en tout cas dans toute sa première partie, voire même dans l'ensemble de la proposition qui dure quand même 2 heures, m'est apparu comme un film de guerre, ou en tout cas un film de territoire. Voilà, c'est un film où il faut défendre un territoire. Et Steve McQueen, lui, il met en scène la porte de ce restaurant comme une espèce de frontière. Et d'ailleurs, justement, il y a une scène où Darkus et Frank parlent et il dit « You are on the front line !» Enfin, avec son superbe accent que je ne sais pas faire. Mais si, et mais donc, si. En fait, c'est ça. C'est la ligne de front, c'est la porte du Mangrove. Et en fait, ce qui est magnifique dans la mise en scène de McQueen, c'est que, et ce qui va clore l'épisode, c'est qu'il va gagner juste un peu de terrain. En fait, Frank Crutchlow, il est super bien aussi choisi comme protagoniste principal parce que c'est un mec qui veut juste faire la cuisine. C'est un mec qui veut juste faire la cuisine et qui, malgré lui, se retrouve porte-parole ou en tout cas défendre une cause qui, quelque part, le dépasse. Mais il est obligé parce qu'il fait partie de cette communauté et qu'il veut vivre sa vie normalement. Et tout ce qu'il gagne à la fin, c'est quelques mètres. C'est-à-dire qu'il gagne le droit de fumer sa clope devant son restaurant en paix. Et c'est le seul truc qui gagne. Et je trouve ça magnifique de dire que c'est un film de lutte de territoire, en fait. Et un film de comment la lutte, si jamais tu fais partie de cette minorité, elle te tombe dessus, t'es obligé, en fait. Et justement, ce qui est très fort, c'est justement comment lui, de par son combat qui est juste de défendre son restaurant, va être gagné par la lutte, par cet engagement politique. Et je trouve que c'est quelque chose que McQueen filme tout du long. Toi, tu évoques la toute fin du film, et je vais évoquer vraiment l'apogée, qui est le moment du verdict au procès, avec ce plan, encore une fois, un plan séquence qui fonctionne parfaitement et qui résume totalement le propos, où on a la délibération du jury et la caméra de McQueen reste focus sur le visage du restaurateur. Il y a un vrai parti de prise de mise en scène, mais qui n'est pas une sorte de gimmick de mise en scène un peu ostentatoire. Ça a vraiment pour but de marier à la fois cet aspect émotionnel avec le discours sociologique que porte McQueen tout au long du film. Là, je trouve ça extrêmement payant. Mais ce qui est très beau dans cette scène-là, même dans ce plan-là, en fait, c'est qu'en effet, la caméra prend... Enfin, McQueen choisit de rester sur ce personnage-là et permet aux autres personnages de rentrer dans le cadre avec lui. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé qui m'a... Alors, c'est très théorique à nouveau, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Oui, mais je veux dire, elle n'est pas théorique. Elle n'est théorique qu'à posteriori. Je veux dire, tout du long, c'est un aspect, d'accord. Je pense qu'il faut quand même bien préciser dans ce mot-là. Non, mais on est d'accord. Tout du long, moi, j'ai été extrêmement ému par toute la série. Régulièrement, soit versé des larmes ou j'ai été vraiment pris à la gorge. C'est vraiment une série qui, dans ce registre-là, fonctionne à plein régime. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que disait Julien, sur lequel je pense qu'il y a un peu de nuance à apporter par rapport à certains aspects caricaturaux des agissements de certains personnages. Je suis comme Steve McQueen, je ne mets pas de nuance. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a un peu de nuance parce que justement, il y a quelque chose d'assez intéressant, particulièrement dans Mangrove, c'est qu'à un moment, chaque accusé va devoir témoigner devant le jury et vont évoquer les faits qui leur sont reprochés. Et à ce moment-là, eux-mêmes vont mentir. Et je trouve ça intéressant parce que toi, tu as été témoin et le film ne revient pas du tout dessus. Mais il y a une sorte d'amusement sur le fait que, ok, en fait, ils ont quand même le droit de mentir et que le mensonge n'est pas... Et quand même, il y a une gradation dans le mensonge. Le mensonge de la police n'est pas identique à leur mensonge qu'il a pour faire prévaloir leur droit. C'est à toi, en tant que spectateur, de faire écho à ce que tu as vu une heure auparavant et te dire que ça ne correspond pas au récit de la scène que j'ai eu à ce moment-là, au moment de l'émeute. Non, mais c'est certain que ce que j'ai dit est sûrement à nuancer. En effet, t'as raison, Manu. Parce que, en fait, j'ai essayé plutôt de mettre le doigt sur ce que nous aurons la frustration de taire. C'était par rapport surtout au dernier épisode que je trouvais plus lourd et plus schématique, plus programmatique. Mais restons sur Mangrove. Et justement, Lucien, je voulais dire la même chose que ce qu'a dit Manu. Ça n'est théorique que parce qu'on en parle, mais en vérité, je trouve aussi que cette scène de procès, par son découpage, comme je le disais, et par la manière qu'a la caméra de soutenir, de s'approcher, de s'éloigner de son personnage principal, et de nous mettre en empathie, ça c'est un mot que j'aime bien, avec lui, elle est assez remarquable. Et puis il y a plein d'autres trucs qui fonctionnent, on l'a évoqué en général, les gros plans de McQueen, mais les regards vers son avocat, le plan sur les mains, il y a beaucoup de choses qui viennent nous donner des détails justement pour être pleinement immergé dans ce procès et non pas le suivre de manière un peu distante comme ça a pu être le cas précédemment dans sa filmo. McQueen met en scène, en effet. Maintenant, ce que tu dis sur le dernier épisode, j'aurais tendance à juste rebondir dessus en une phrase, mais c'est peut-être aussi... Même si je suis assez d'accord avec toi, c'est probablement... en tout cas, les deux derniers épisodes sont probablement... Surtout le 4. Oui, c'est ça. Mais le 4 est probablement le moins bon. Le 5e est peut-être le plus programmatique, comme tu dis. Ne serait-ce que dans son titre, déjà, les choses sont très clairement posées. Mais pas le moins émouvant. Voilà, c'est exactement ça que j'allais en dire. C'est peut-être émotionnellement le plus fort de toute la série. Car, pour tout un tas de raisons, mais l'épisode, le film se pose sur une base qui est une réalité pour certains enfants noirs dans les 70s, qui est tout simplement abject et qui, en fait, dès son commencement, est révoltant. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une scène dans cet épisode où la mère reconnaît le problème de son fils, et qui, déjà, le moment où elle le reconnaît est très émouvant, mais alors le moment où elle prend la main de sa plus grande fille, ça vraiment, c'est un moment, moi j'ai versé ma larme à ce moment-là, vraiment, je trouve que c'est vraiment un moment très très beau. En tout cas, j'en profite d'en parler à Manu quand je parlais du choix de Steve McQueen de faire du restaurateur son personnage principal, et notamment donc du coup la cohérence d'avoir fait la résolution, enfin l'annonce du dénouement du procès, une espèce de plan en travelling avant très très subtil sur ce personnage-là. J'en profite pour renommé, donc le nom de l'acteur c'est Sean Parks, qui est absolument fabuleux je trouve, et qui d'un charisme absolument dingue, et qui, ouais, porte, un charisme fou, ouais. Qui porte super bien cet épisode, ce premier épisode qui en effet lance l'anthologie sur les meilleurs rails. Et je pense aussi, pour juste rebondir sur ce que disait Lucien, l'analogie que Lucien faisait avec de cette anthologie avec la série de David Simon. Je ne sais pas si c'est totalement conscientisé de la part de McQueen, mais il y a cette volonté aussi d'offrir, entre guillemets, de la nourriture à toute une galerie d'acteurs anglo-saxons issus de cette immigration, et leur donner quelque chose à jouer. Il y a une grande partie, à part une ou deux exceptions, d'acteurs qu'on connaît auparavant. Pour la plupart, c'est la première fois qu'on les découvre à l'écran, et dans des rôles sacrément consistants. Et c'était notamment un des projets qu'avait... très explicite de David Simon sur The Wire, c'est-à-dire, voilà, moi je vais vous mettre toutes les semaines à l'écran, des noirs tout le temps à l'écran, et ça va changer un peu les choses. Par la fiction, je vais changer un petit peu l'ordre des choses. Ouais, et puis des putains d'acteurs, mais je suis absolument d'accord avec ce que tu dis là, Manu, vraiment, absolument. C'est vrai qu'il y a une pléthore d'acteurs qu'on est heureux de découvrir ou redécouvrir. Il n'y en a pas un seul qui est mauvais, je veux dire, sur toute la série. Et il y en a beaucoup, quoi, vraiment, c'est quand même... J'ai quelques réserves sur... Allez, vas-y, qui ? Le mec avec les dreads dans la cellule, là. Ouais, ok. Non, mais moi, dans Mangrove, j'ai quelques réserves sur la jeune femme qui joue Barbara Bees. Ah ouais, moi, je la trouve super. Bref, soyons indulgents et passons à l'épisode 2, Lover's Rock. Après avoir essayé de débattre de manière centrée sur le premier épisode, même si je pense que nous avons failli à notre mission, nous allons maintenant essayer de garder nos dernières cartouches pour Lover's Rock, donc le deuxième épisode qui reçoit quand même un consensus assez grand de la part de la critique cinéma, en tout cas francophone. Je signale juste pour cette introduction donc que c'est le deuxième épisode, que cette fois-ci il dure 1h10 je pense, et que le rôle principal, même s'il y a énormément de rôles dans le film, le rôle principal de Martha est tenu par Amara J. Saint Aubin. Voilà, Manu. Et je pense justement, Olivier, pour parler de cet épisode plus précisément, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être un des épisodes qui se distingue le plus de toute cette anthologie, puisque au lieu de se concentrer sur le parcours autour d'un événement historique, d'une figure de la communauté, c'est un épisode qui a plus vocation à retranscrire l'ambiance et un certain état d'esprit de l'époque. Et ce qui est extrêmement fort dans cet épisode, c'est justement que c'est un film qui a pour projet, à mon sens, de vraiment t'immerger complètement dans l'ambiance de ce qu'étaient ces soirées londoniennes. Tout n'est que de l'ordre de la sensation, du fétichisme, que ce soit à travers les corps, la danse, la musique, la nourriture, les odeurs, même le toucher, presque les vêtements des personnages. Il y a vraiment quelque chose de totalement organique dans la mise en scène de cet épisode. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment souligner le boulot de dingue de son chef-op, qui est un nouveau chef-opérateur avec lequel Steve McQueen travaille, qui est Coral Mason. Qui n'est pas Sean Bobbitt. Qui n'est pas pour le coup Sean Bobbitt, le chef op attitré des précédents films de Steve McQueen, et qui accomplit notamment dans cet épisode-là, je trouve, un boulot absolument stupéfiant dans cette manière de retranscrire vraiment de manière quasiment dionysiaque, j'ai envie de dire, cette soirée-là. Je trouve qu'il y a une pulsation qui n'est pas que liée au fait qu'on a un soundtrack de malade. Il y a vraiment une manière de filmer, j'aime pas beaucoup cette expression très, très, très problématique de la critique française et générique qui est de filmer les corps en mouvement. Il y a vraiment quelque chose d'hyper en fait, organique dans cet épisode qui est... Mais ça, c'est Manu, c'est parce que t'as pas dessoulé depuis 53 jours. Et le fait que tu utilises corps en mouvement en est la preuve. Il paraît que tu t'es ouvert quelques bières sur cet épisode, Manu. Non, mais blague à part, Manu, je pense que c'est justement ce que j'évoquais dans les premières minutes de cette émission. C'est vraiment l'attention qu'a McQueen pour aller justement chercher les matières par une somme de gros plans. En fait, il y a aussi toute une scène de slow, on va dire, même si le slow n'est plus très à la mode, mais en tout cas... C'est plus que du slow, là. Non. On va dire une scène d'approche entre garçon et fille qui est tout en gros plan, tout en détail sur comment la main va se mettre ou ne pas se mettre ou va se défausser, comment une fille va refuser un garçon ou inversement, comment est-ce que les corps vont aller justement d'un choix vers un autre. Et c'est tout ceci est orchestré sur des gros plans qui sont souvent en plus à hauteur, disons-le, à hauteur du bassin, quoi. Donc c'est vraiment un travail assez qui n'est pas subtil, encore une fois, mais qui est vraiment très réussi de McQueen là, sur ce point. Après, ce qui est intéressant, en effet, c'est que c'est pas du tout un événement historique. Ici, on a un contre-pied quasi total sur le premier film, c'est-à-dire qu'on va être dans une fiction totale et qu'on va être dans une unité de temps. Ça se passe sur une nuit, une quasi-unité de lieu, donc cette maison dans laquelle il va y avoir une fête. Et la seule chose... Le lien très fort qui se lie entre les deux premiers épisodes, c'est cette notion de territoire dont je parlais tout à l'heure. C'est que on va recréer un espace clos dans lequel on est libre et qui nous appartient et qui appartient à la communauté. De nouveau avec cette musique populaire, de nouveau avec cette cuisine, ces odeurs comme tu le disais. Et c'est marrant parce que même si elle ne surviendra jamais, ce qui est ça qui est très intéressant, je trouve, dans cet épisode, c'est que même si elle ne surviendra jamais, la menace, elle est toujours là, permanente, en fait. Tu te dis tout au long de l'épisode qu'à un moment, ça va partir en couille. Mais que la police va arriver, qu'à un moment, il y a une altercation avec un groupe de garçons blancs à l'extérieur. Tu te dis que ça peut potentiellement partir en couille. Et il y a en effet, entre chaque... musique, entre chaque chanson, quasiment, il y a ce bruit de sirène de police qui te ramène constamment une espèce d'urgence, qui te ramène constamment sur le fait que, quelque part, on est en danger et il faut préserver cet espace qui est très très fort. Et je sais plus ce que je voulais dire là-dessus, mais je pense que Lucien va enchaîner. C'est sur tout ce que tu dis là, en fait, que plutôt dans l'émission, je parlais de... je rapprochais cet épisode-là de son travail vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il traitait dans ses vidéos, même avant Hunger, quoi. Vraiment ce truc de cyclique, je trouve pas d'autre mot. Mais qu'il arrive à encapsuler dans un schéma narratif. Dans une narration, absolument. C'est à mon sens, et je pense, et moi j'ai beaucoup pensé, c'est pas en plus pour voir tirer sur un cinéaste que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est un film qui devrait rendre assez jaloux quelqu'un comme Gaspard Noé. J'avais pas pensé, mais c'est très vrai. Ouais. C'est en ça où, à mon avis, il se distingue de ses précédents travaux en termes de plasticien, de ce qu'il a pu faire auparavant, c'est qu'à la fois on est dans un cinéma expérimental, mais qui malgré tout garde son cadre narratif tout du long et l'enrichit en fait de cet apport-là. Et voilà ce que je voulais dire là-dessus merci de m'avoir laissé le temps de retomber sur mes pattes. C'est que en fait la menace finalement ne va jamais advenir, et en fait il y a un côté comme ça célébration. Ce film, en fait, c'est une célébration de la fête. À un moment, il y a un personnage où on se dit clairement qui rentre un peu en dilettante dans cette soirée, et on se dit que ça va semer le trouble, et finalement, grâce à la bienveillance de l'ensemble, ça va rester se passer entre guillemets bien. Et en fait, c'est une espèce de célébration sur cette longue scène de fin où t'as tous les gars qui sont restés à la fête et qui sont pas encore partis avec des filles, en gros. Tous les gars qui sont restés à la fête vont aller dans une espèce de célébration cathartique comme ça, qui est extrêmement physique, mais qui célèbre le fait de... Bah justement, de faire la fête, de se lâcher et d'être de nouveau, de faire communauté. Et je trouve ça extrêmement... j'avais jamais vu ça, en fait, quelque chose d'aussi bienveillant. le message simple qui est juste de une fête, même si il y a de l'alcool, même s'il y a énormément de ganja là en l'occurrence, ça peut aussi très très bien se terminer et être tout à fait fédérateur et tout à fait salvateur pour les personnes qui y assistent. Mais c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà dit, mais c'est important, je pense, d'insister là-dessus. Si la série est si charmante, c'est aussi parce qu'elle est vraiment inédite, que ce soit sur son sujet, dans la manière dont elle le traite, et dans sa forme. Tout ça est lié, bien sûr, mais il y a vraiment une sensation, comme tu viens de le dire, Oli, de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est vrai, c'est particulièrement parlant dans cet épisode-ci. Julien, tu voulais dire quelque chose ? Redire que c'est vrai qu'on est presque dans une performance, pratiquement, dans un happening. Enfin, Manu a donné un chouette mot qui était dionysiaque. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'éminemment charnel dans cet épisode qui fait que la chair est au centre, le désir, l'émoi, et que c'est vrai que, il y a quelques épisodes que je trouvais très très bons formellement, qui m'ennuyaient quand même par une écriture, je l'ai suffisamment dit dans cet épisode, un peu lourde, mais ici, je trouve qu'on est tellement dans une expérience forte au niveau de la sensualité, au niveau des sens, qu'il y a un envoûtement très grand qui se fait dans cet épisode. Et du coup... Ah mais Julien, garde ton slip, là, ça va pas. Là. Non, tu te calmes, tu redescends. Je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est marrant, parce que moi, je me faisais la réflexion un peu l'inverse de ce que tu disais, Manu. Je trouvais que le cadre narratif était justement plus flou et moins travaillé, et que du coup c'était vraiment pour laisser la part belle au corps et à l'expérience de ses sensations. Voilà, je trouve qu'il était moins narrativement construit, et que c'était aussi sa force, justement, de s'en éloigner et de pas s'imposer des barrières, mais plutôt de laisser libre cours à la chair, à l'improvisation et au, bon, on l'a dit, les bassins, les mains les murs qui transpirent, les mains sur les hanches, effectivement. Non, mais c'est vrai que quand les personnages reprennent cette chanson presque a cappella tous, il y a quelque chose de l'ordre de la transe qui se met en mouvement, et il y a comme une sensation, une vibration qui prend toute la maison. C'est assez beau de voir ça. Et surtout, ce qui est très beau, c'est la manière dont Steve McQueen étire ce moment a cappella. Je veux dire, ça, quelque part, ça n'en finit pas. Et alors, là où ça pouvait paraître très très emprunté dans Shame, ici, c'est une espèce de... En fait, cette scène se gonfle en émotion au fur et à mesure des couplets qui sont repris encore a cappella et encore et encore. Oui. Après, le danger n'est jamais loin. Le danger n'est pas loin, mais pourtant, ça marche. Donc, il y a aussi cette scène de cri de singe dans la rue quand une fille sort de la maison. Il y a un viol qui est heureusement arrêté. Oui, quand elle revient, il y a les cris de singe, et quand elle revient, elle se cogne contre un homme noir. Ouais, mais comme Olivier disait que ça pouvait être fédérateur, et oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque moment, on sent que ça peut basculer. Mais oui, c'est justement pour ça que c'est ce qu'on disait beaucoup plus tôt dans l'émission, mais que c'est probablement l'épisode qui est le plus intéressant formellement, mais probablement aussi le plus sur son propos, dans le sens où c'est le moins direct, c'est le moins manichéen, c'est le moins didactique. On appellera ça comme on veut, mais et on prendra surtout des pincettes, mais c'est celui sur lequel il y a le plus de facettes, on va dire. Je suis qu'à moitié d'accord avec ce que tu dis. Je pouvais excuser un certain schématisme dans certains épisodes. Là, pour le coup, l'intervention des deux personnages, entre guillemets, on va résumer, le Mac violeur et l'ami de la famille déshéritée. Pour le coup, vu que l'épisode n'est que dans la sensation, n'est que dans une autre proposition, là, tu vois qu'il te ramène de la narration et du récit et de manière un peu artificielle. Et pour le coup, si j'ai deux seuls bémols sur cet épisode-là, il tient à ces deux personnages masculins. Après, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est qu'on a parlé de la soirée. Moi, je trouve aussi la conclusion de l'épisode magnifique, hyper émouvante. Le chemin du retour des deux amants au lendemain matin, je trouve magnifique. Il y a ce plan notamment très décadré où ils sillonnent en moto, en vélo la ville pour rentrer au garage du gars. La composition picturale est très très belle. Il y a un côté extrêmement aérien dans cette composition picturale et vraiment très très beau. Et le dernier plan très facétieux qui donne aussi... Mais c'est aussi ces deux personnages sont aussi peut-être un peu caricaturaux. Disons que McQueen a peut-être un peu la main lourde dans la manière qu'il a de les amener dans le récit. Maintenant, c'est aussi deux personnages que les deux protagonistes féminins voient arriver aussi de loin. Du coup, quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Oui, après, moi, je pense que c'est du fait même du principe narratif de cet épisode-là qui fait que qui est particulier, quand quelque chose de tout d'un coup revient dans la boucle, il est extrêmement apparent. Mais bon, c'est un tout petit bémol. Et c'est vrai que les tout derniers plans du film qui donnent à voir un peu de manière un peu facétieuse toute l'énergie, enfin la beauté de c'est quoi être jeune, sortir, faire des conneries et puis assumer le lendemain, c'est assez joli comme fin. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir ou pour aujourd'hui. Ça dépend quand vous nous écoutez. Nous parlions donc aujourd'hui de Small Axe, l'anthologie de Steve McQueen, qui est disponible en France sur Salto, on me souffle dans l'oreillette, et qui n'est pas disponible en Belgique. Donc, ce serait peut-être pas mal que le Small Axe soit distribué, parce que notre Steve McQueen habite à Amsterdam, n'est-ce pas ? C'est un voisin. Merci, Lucien. Merci, Julien. Merci, Manu. On vous revient très bientôt pour une nouvelle émission Actu, une nouvelle émission rétro. On ne sait pas encore très bien, mais on va se concerter. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On est disponible sur transmissionlepodcast.com. On est disponible sur PodCloud, Spotify et tout plein de trucs. Facebook, likez-nous. Merci. Ciao.